Une inote visigote, qui dans l'otte sa bouillotte, en sa roulotte, une linotte ostrogote, qui fait des notes et qui pivote sur des gavottes. Une inote, une note, qui tapote et qui pédote sur ses quenottes. Tu me dis que note et que ça dénote, et moi je te dis why not. Une marmotte qui rabiote, de la compote et qui argote. Une marmotte qui grignote, et sa cagnotte qui clignote. Une mandigote qui se fagote en redingote en parigote. Une mandigote qui dégote, une gargote, une soupe qui la révigote. Une mandigote qui mégote pour qu'on les ligote. Une mandigote qui mégote auprès de l'ode pour qu'on lui ôte l'asticot qui dedans ligote. Une poivrotte qui sirote de grillotte, une poivrotte à l'échalote. Poivrotte qui poivrote pour une bonne soupe, soupe, soupe à la carotte. Tu dis que note, mais why not? Un polyglotte qui sans snaglotte, sanglotte. Un vieux despote qui se répote avec Pol Pot. Et un coyote sur un yacht qui en maillotte se pétiote. Un dent qui chote, qui crachote, qui chuchote. Une vieillotte qui se plotte et qui tricote. Je peux plus suivre, m'a dit où tu fais trop de notes.